toi, toi qui chasses le noir pour l'espoir, comme j'ai besoin de toi, pour l'espoir, je me sens comme un roi, pour l'espoir, quand tu es en moi. L'espoir.